Chapitre 14e, les noces. Ce fut un beau jour que le jour des noces de Robert et de Suzanne. Seulement, elle ne pouvait s'habituer à entendre dire « la princesse ». Et puis elle regrettait bien un peu sa chaumière et ses bêtes. Mais le prince lui promit qu'elle irait tous les jours rêver sous son cher marronnier. C'était un beau spectacle de les voir ouvrir le bal au milieu de toutes les dames et de tous les seigneurs du pays. Jamais on n'avait vu tant de beauté et tant de jeunesse. Tout le pays fut convié à la fête. Plus d'un ivrogne s'en souvient encore, car on buvait du vin comme à l'abreuvoir. Aussi, le soir, quand les paysans rentrèrent au logis, on ne voulait pas leur ouvrir, tant ils battaient la muraille. Mais ils étaient de si bonne humeur que Rubicon leur pardonnait. Il faut bien rire un peu, cela ne fait de mal qu'aux méchants. Il est vrai que Rubicon mettait un peu d'eau dans le vin des ivrognes. Armé de seringues et de fusées, il faisait la pluie et le beau temps. La fée survint au milieu de la fête pour filer les jours d'or et de soie des épousés. Rubicon la reconnut et lui demanda la pantoufle magique. « Non, dit-elle, on n'a que faire de ma pantoufle ici. Je la reprendrai demain pour la porter à une autre jeune fille, sans doute moins sage que Suzanne. » Cependant minuit sonna, et un convive qui n'était pas attendu vint pour prendre sa part du festin. C'était Trompe-la-Mort. « Que va dire Rubicon ?